Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast quasi mensuel de La Cellule avec, comme d'habitude, les créateurs de Sens Hexalogie, Thomas, Benjamin, alias Bobo, Pierre, Flavie, alias Chimère. Tout le monde est là, ça rime en plus, c'est formidable, extraordinaire. Chimère et tout le monde est là, ça rime. Hein? Non, Chimère et c'est extraordinaire, enfin je sais plus ce qui rimait, ouais. Mais ça rimait bien. Là-bas, ça rimait bien avant que tu me coupes. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va répondre à vos questions, les questions que vous nous avez posées sur le forum. Parce que pour l'instant, je ne sais pas pourquoi vous n'osez pas franchir le pas et venir nous les poser sur le blog de La Cellule directement. Alors voilà, aujourd'hui nous allons répondre à vos questions. Alors messieurs, attention, tic tac tic tac. Alors première question, une question d'Alban qui a été posée sur le forum, à laquelle j'ai répondu en partie, mais j'aimerais bien qu'on la réaborde ensemble. Les ombres ont-elles conscience de vivre dans un monde imparfait? C'est à vous de parler maintenant. Moi, ça y est, j'ai fait mon truc de présentateur. Alors, d'après ce que j'ai compris, il fallait qu'on dise avant ce que c'était parfait ou imparfait pour un monde, c'est ça? Bah, je sais pas, oui, c'est ce qu'on avait plus ou moins dit dans la présentation, mais enfin, à vous de répondre. Écoutez, moi, maintenant, je vous ai posé des questions, c'est à vous de participer. Hein. Voilà, vous avez la parole, prenez-la, mon Dieu. On s'était posé la question, est-ce que c'était censé de se dire que leur monde était parfait ou imparfait? Moi, personnellement, je ne mettrais pas ce qualificatif. Ouais. Peut-être le remplacer par est-ce qu'il est réel, plus réel que le monde des joueurs. Ouais. Et puis oui, il est aussi réel que le monde des joueurs. Les ombres, elles sont entre guillemets prisonnières de leur ontologie, comme les joueurs sont prisonniers de la leur. Donc pour moi, oui, elle est aussi réelle. Donc pour toi, elles ont clairement conscience de vivre dans un monde réel en fait, pas imparfait. Ouais, parce que pour moi en fait, il n'a pas de sens ce qualificatif. D'accord. En fait, dans ce cas-là. Ouais, je suis assez d'accord parce que même nous, dans la réalité, on est capable de dire ouais, le monde, il est quand même mal fait, etc. Et ça ne nous empêche pas de savoir qu'on est dans la réalité. Je pense quand même que, avant d'être une question philosophique, la question d'Alban, c'est plutôt une question d'interprétation. C'est comment est-ce qu'il va. Ah, pardon, Thomas, tu voulais dire quelque chose avant. Oui, je pense qu'en fait, dans sa question, savoir si le monde est imparfait, c'est que dans la base, on explique bien que le monde des ombres est un monde imparfait parce qu'il manque des runes. Ouais. Donc je pense que le mot imparfait utilisé c'est pour ça. Mais les ombres qui font partie du monde des ombres se rendent pas compte qu'il manque des runes à l'intérieur de cet univers. Donc pour moi ils ont pas conscience de l'imperfection de ce monde. Ouais, dans ce cas-là je serais d'accord avec toi. Parce que en fait moi je pense que c'est une question d'interprétation que nous pose Alban. C'est-à-dire comment est-ce qu'il doit interpréter les ombres finalement quand les joueurs vont dans l'ombre monde? Est-ce qu'il doit les interpréter comme des zombies? Est-ce qu'il doit les interpréter plutôt comme des gens qui sont vivaces? C'est ça la question, je pense. Enfin, c'est comme ça que j'interprète en tout cas. Fly. Moi, quand je joue les ombres, c'est au niveau physique. Les ombres n'ont pas la même apparence que nous, puisqu'il n'y a pas le même nombre de runes dans ce monde-là. Ouais. À côté de ça, quand nous on arrive en tant que bug dans ce monde, ombre monde, on apparaît juste comme des sortes de trucs bizarres qui ont une armure, donc on leur fait vraiment vraiment peur. Donc voilà, donc ils ont des sentiments et tout. Donc ils ont des sentiments. Moi je les joue comme des personnes normales, mais ouais, avec un physique différent. Et du coup, quand on arrive, on est comme des monstres. D'accord. Et c'est pour eux, c'est nous qui sommes bizarres. D'accord, ok. Ouais. Donc nous pour eux, on est clairement des espèces d'extraterrestres ou quoi que ce soit. Ouais, donc ça peut entraîner des remous dans le monde des ombres. Le fait qu'il y ait un bug qui débarque comme ça dans le monde des ombres, on peut en parler dans la presse après. Comme des sortes de dieux qui arrivent. Je veux dire, si on avait débarqué en Amérique au moment des grandes découvertes, et ben voilà, on aurait été les nouveaux dieux. Alors Bobo, je te vois tiquer là. Ouais, non, c'est juste en même temps les mecs qui sont dans l'ombre monde, c'est pas des sauvages, tu vois, vu que l'ombre monde c'est le même à l'instant T. Mais ceux qui étaient en Amérique du Sud, non, ils n'étaient pas des sauvages. Attention là, ce podcast est en train de dériver là. Non, c'est voilà, dans l'interprétation que j'aurais fait du nombre qui voit une réplioïde arriver devant lui, indépendamment d'à quoi elle ressemble, mais bon, ouais, imaginons une grosse armure, le mec il va juste flipper qu'un truc est arrivé, ça ressemble à une armure. C'est un prédateur. Voilà, donc ce serait l'effet, on voit un prédateur. Pour moi, effectivement, il est surpris parce qu'il y a un truc qui vient de se pointer. Oui, mais la répiloïde, elle a été créée dans un monde où il y a toutes les runes. Donc il y a des choses, quand il arrive en face de ceux qui sont en face de lui dans cet ombre monde, ceux de l'ombre monde ne comprennent pas tout ce qu'ils voient puisque ça a été créé avec des runes différentes. Attention sur l'armure et sa composition. Parce que il y a des choses qu'il vaut mieux ignorer, dirait Solipsis, et il y a des choses que les gens ne savent pas encore. Et justement, à propos de sa composition, elle n'est pas composée dans la réalité. Donc attention, c'est spoiler, encore attention, plus spoiler, bizarre. Attention spoiler. Non, c'est peut-être même encore plus bizarre qu'il n'y paraît. Donc quoi qu'il en soit, pour vous, les ombres ont conscience de vivre dans un monde normal, on va dire. Voilà, pour pas elle, le monde il est normal. Voilà. Et Thomas, toi qui as été un quadrille pendant des années, je te vois. Moi je pense comme tout le monde, c'est-à-dire que pour moi dans le monde des ombres, c'est les êtres humains classiques, ouais. Qui ont leur vie. On pense sur Terre, moi je considère que dans le monde des ombres, la résistance n'existe plus, ouais. L'Omicron est omniprésente, donc tout le monde est persécuté. Donc effectivement, je pense que quand un bug passe de l'autre côté dans une armure. À travers son armure, d'une part Miphos est prévenu, donc il risque d'avoir des quadrillas. Ouais. Les ombres, elles, vont avoir peur. Si c'est les soldats, vont attaquer. Ouais. Mais oui, pour moi, c'est un monde classique. Et les ombres n'ont pas cette impression d'être imparfait et manquant. D'accord, ok. Pierre ? Oui, je suis d'accord avec vous. Hein. C'est vrai que moi, les ombres vivent dans un monde qu'elles connaissent. Hein. Tant qu'elles n'ont pas été voir ou n'ont pas eu la possibilité d'aller voir un autre monde, elles ne peuvent pas se dire ce monde-là est plus parfait que le nôtre ou il manque des choses dans notre monde. Ah, Benjamin. Ouais, voilà, donc les seuls qui peuvent tiquer, c'est les quadrillas qui peuvent aller de l'un à l'autre et se dire tout à fait. Il y a des petites différences, il y en a un qui a l'air de. D'être un peu un chouïa, ouais. C'est la réflexion que se font les quadrillas de Rebirth quand ils découvrent la réalité avec hélium et hydrogène. Oui, Thomas. Moi, je me souviens dans la base, alors je sais plus si c'est dans Sens Mort ou dans Sens Renaissance, où justement il y a une réflexion d'un quadrilla qui, lui, se trouvait dans un monde parfait jusqu'au jour où il passe de l'autre côté. Ouais, et voilà. Il se rend compte de l'imperfection de exactement, son monde. Exactement, tout à fait. Donc ça répond bien à la question quand même. Donc les ombres ont simplement conscience d'être dans un monde. D'ailleurs, comme toi, Alban, hein, j'ai envie de dire, hein, tu n'as pas conscience d'être dans un monde imparfait et pourtant tu verras. On va te montrer le contraire. Alors, quoi qu'il en soit, la suite. Quoi qu'il en soit, la suite, avec une question d'Alban, justement, encore. Le monde des simulacres est-il l'original ? Alors là, je vous vois tous à la colle. Qu'est-ce qu'on va répondre ? Que quelqu'un commence déjà par définir monde des simulacres, s'il vous plaît. Le monde des simulacres, je pense que c'est le monde, il veut dire le monde des personnages. Alors, mais l'original, c'est pareil, par rapport à qui ? Là, on touche à un gros morceau du jeu. Hein. Ouais, je pense bien. On attaque. Donc, je sais pas si on va pouvoir te répondre. Alban, tout de suite, si tu on veux. Va essayer de te répondre sans faire trop de spoilers sur la suite. Il y a des gens avec des fusils autour de nous qui sont prêts à nous flinguer si jamais. Donc, on peut pas tout dire, Alban. On est un peu pieds et mains. Alors, a priori, pour moi, le monde des simulacres n'est pas l'original. Tu auras la réponse quand tu auras lu Néant. Mais ouais. Ce n'est pas l'original. Dans Sens Néant, Alban, pour répondre un peu à ta question, il y a effectivement la vision d'un monde qui serait peut-être plus parfait que celui dans lequel vivent les simulacres. Il y a des trucs en plus. Voilà, il y a des trucs en plus. Ouais, j'aimerais aussi expliquer, la façon dont moi je l'ai compris, c'est que quand, à la découverte des runes, on a appris qu'on trouve les informations de la création du monde dans lequel on vit. Donc après tout, on peut supposer que le monde dans lequel vivent les simulacres est un deuxième monde et pas, ouais. Et pas le premier. De plus, si on considère le moment où on crée la fiche de personnage, on pourrait dire que le tout premier monde, c'est le nôtre. Donc dans tous les cas, le monde des simulacres n'est pas l'original. Ouais, parce que ce serait plutôt le monde des cellulistes, le tout premier. Ouais. À moins qu'on considère que le monde dans lequel on vit serait encore en plus une fantasmagorie de quelqu'un qui joue à une table et qui a créé notre monde, mais là on commence à dériver un petit peu. Là, je me demande aussi, pareil, si Alban ne se demande pas la question finalement de se dire « mais si ça se trouve, le monde dans lequel vivent les simulacres, eh bien c'est lui l'ombre-monde, et l'ombre-monde c'est le monde réel ». Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'il n'y aurait pas une question de ce genre-là ? Sinon, moi je me souviens aussi d'une réflexion qui avait été présentée par Solipsis. C'est dans l'ombre-monde, on sait qu'il existe des ombres ordinateurs. Donc exactement. Dans les ombres ordinateurs, il existe un autre ombre-monde, ombre-ombre-monde. Ouais. Donc peut-être, il est largement possible que nous, dans le monde qu'on définit comme réel en tant que simulacre, il existe encore un autre ombre-monde d'autre chose. D'ailleurs, c'est possible, on ne sait pas où on se trouve. C'est vrai. Benjamin, tu voulais dire Non, effectivement, ouais. c'est une mise en abîme perpétuelle. On ne sait pas à quel niveau on se situe. Il y a peut-être même pas de sens à se poser, savoir si on est sur le premier ou le deuxième ou le troisième. Ouais. carrément. C'est une des questions majeures du jeu qui reprend un petit peu l'idée d'Einstein que le poisson ne sait rien de l'eau dans laquelle il nage et qu'il faut justement découvrir. Mais cela dit, la suite de l'histoire amènera quelques bonnes réponses aux questions que tu te poses là, Alban, à mon avis. Ouais. Et c'est bien que tu te la poses, et c'est encore mieux que tu mettes tes joueurs à l'affût de ce questionnement. Tout à fait, tout à fait. Alors, Alban, le monde des ombres, on sait, autour de cette table, il est dit imparfait dans la base. Et justement, Alban continue en posant la question, mais qu'est-ce qu'un monde parfait dans ce sens, finalement? Est-ce que vous avez une réponse? Donc, Thomas, en préparation de ce podcast, tu disais que c'était un monde qui avait les 6 runes. Voilà, qui est l'intégralité des runes. Pour moi, un monde parfait, en tout cas dans la définition dans ce sens, c'est un monde dans lequel est intégré les 6 runes. En tout cas, c'est comme ça que je le conçois. Et donc on se retrouve que le monde parfait, bah, c'est le monde des simulacres. Ouais, là du coup c'est un peu... À moins qu'on nous aurait menti que dans le monde des simulacres il manque des runes. Donc ça je peux le dire d'entrée de jeu, non. Bah non, parce que les 6 sont marqués sur la feuille. Ouais, les 6 sont marqués sur la feuille, il y a pas de souci. Voilà, voilà. Donc on a fait le tour. Benjamin. Ouais, aussi sur le côté parfait. Moi je me posais la question, parfait pour qui, vis-à-vis de qui? Pour les joueurs, et je me dis non, le monde s'il devait être parfait avec les 6 runes, ça serait plus par rapport à Sens. C'est lui qui crée son monde. S'il doit être parfait, c'est pour lui. D'accord. Et un monde parfait pour des bugs, ce serait un monde totalement en paix, donc ce serait un monde dans lequel ce serait vraiment ennuyeux de jouer. Donc il vaut mieux que le monde ne soit pas parfait pour avoir quelque chose à faire. En fait, moi ce que je trouve très intéressant dans la vision d'Alban, c'est qu'on est obligé de lui répondre de manière métaphysique, j'ai envie de dire. On peut pas lui répondre de manière éthique, genre un monde parfait au sens une utopie. Non, on voit bien que la question ici c'est une question métaphysique. Bon, ça prouve quand même que notre petit jeu là, les gars, il marche pas mal, hein, ça fonctionne bien. Et on en est très heureux, bien sûr. On enchaîne avec les questions de chemise maintenant, des questions qui ont été posées dans le cadre d'un trade, comme diraient les amis de Silent Drift, sur les questions qu'on pouvait nous poser. Donc là, lui, il a l'air assez inquiet sur la suite de l'histoire. En fait, il voudrait un peu anticiper. Donc il voudrait qu'on anticipe sur l'histoire de Sens. Alors sa première question, c'est quels seront les lieux géographiques et temporels, et dans quelle réalité les PJ agiront? Alors les lieux géographiques, on peut les passer en revue. Ah bah, c'est assez simple, au niveau du système solaire, on commence par la Terre, ouais, ensuite on continue par la Lune, avec Sens Nord, et ensuite on va finir par Mars, avec Sens Cosmo. Avec Sens Cosmo, ouais. Avec exactement. À chaque fois la possibilité toujours d'aller dans l'ombre monde. Alors ouais, il y avait aussi une question là-dessus, je m'en souviens maintenant, c'était est-ce qu'on pourra toujours revenir en arrière? Ça, j'ai l'impression qu'on est un peu comme dans un mauvais RPG où à un moment donné on est bloqué, on a fait une sauvegarde au mauvais endroit puis on peut plus faire les secrets du jeu en arrière. Non, on retourne pas en arrière, tu avances petit. Non. Non mais ça n'est pas suffisant pour revenir en arrière, revenir dans le temps, non. Non, mais revenir dans le temps. Revenir par exemple, on est à Sens Mort, on est sur la Lune, revenir sur Terre, tout à pas fait. De problème. Tout à fait. Ah ouais, il y a toujours une base résistante sur Terre, il y a toujours du peuple là-bas. Ouais. Flavie, tu veux Moi, je pense que je l'interdirai à ma table. Ça, par contre, ce serait la seule chose que j'interdirais. Quoi? Ouais. Tu interdirais qu'on puisse revenir en arrière sur Terre? Carrément, ouais. Je pense que la Terre, ça doit rester, quand tu quittes la Terre, l'Éden. Ouais. Et que tu pars pour détruire les ordinateurs. Ouais. Et que du coup, tu n'as pas l'occasion de revenir, parce que sinon, tu mets la Terre en danger. Et sinon, en plus, tu risques de te ramasser avec les... l'escadrille de Mars derrière toi, et je pense que tu dois retourner sur Terre qu'à la fin. Donc, t'es rude quand même. Ah ouais, non mais on va en chier ta chronique. Non, Fly a une vision ultra symbolique de Sens. C'est-à-dire que Flavie est une fan invétérée de Sens Mort autour de cette table, et du coup Seule d'ailleurs, oui. Je crois. Elle a gardé la vision vraiment du truc symbolique, c'est-à-dire que La Terre c'est devenu le paradis, l'Éden à sauvegarder, et l'Éden où on doit retourner à la fin de la chronique quand on a tout fini. Donc pour moi ce serait le seul truc que je serais capable d'interdire à ma table. Ah ouais. Pierre Revenir sur Terre, moi en tant que maître de jeu ça me dérangerait pas, mais il faudrait que je trouve une chose intéressante. Pour revenir sur Terre. Tout est intéressant sur Terre. Enfin, Sur la Terre, toute la première chronique est faite sur la Terre. Mais donc on résout, on libère la Terre. À partir d'un certain moment, qu'est-ce qui est intéressant comme scénar ou comme histoire à revenir sur Terre Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant si c'est seulement pour faire revenir voir ses faire jouer des voir sa famille ou peu importe. Moi je trouve ça vachement intéressant, enfin de sur le plan de l'histoire et tout ton personnage par exemple de revenir. Par exemple, je prends le personnage d'Anastas, donc un enfant sauvage qui a été élevé par aucune faction, rien du tout, qui a vécu tout seul pendant des années à la Nouvelle-York, de faire un scénario où ce Anastas revient sur les lieux de son enfance et voit un petit peu ce qui a changé, la manière, je trouve ça super intéressant. Je me souviens d'un scénar qu'on avait fait, un scénar de playtest avec Bobo, qui se passait où il avait en fait un homme marié, il était marié à une terrienne, donc il jouait un bug marié à une terrienne, et où il revenait pour lui demander en mariage, et il y avait tout un espèce de va-et-vient entre la Terre et la Lune, j'avais trouvé super intéressant, quoi, sur la distance justement qu'il met avec cette femme-là. Ouais, parce qu'effectivement, il y avait les points de lien qui étaient liés, qui me forçaient à retourner sur Terre, parce qu'il y avait le lien avec une personne. Ouais, non, moi je trouve ça. Pour moi, il ne faut pas interdire l'accès. Puis aussi, il faut se voir que dans Sens Mort, la Thomas. Fin se termine par la libération de la Lune, pourquoi pas essayer de faire déplacer des gens de la Lune sur Terre ou des gens de Terre sur la Lune pour remettre en place, rétablir un ordre commercial, éthique. Moi je pense qu'il y a besoin d'avoir quand même un besoin d'un après, changement de je suis d'accord avec Flavie que pour un jeu comme Sens Mort, sur la thématique de l'enfermement, quand t'es dans la boule de Varia, à l'intérieur des fragments et tout ça, c'est vachement intéressant que les joueurs soient un minimum, je dis pas entièrement, mais soient un minimum enfermés. Moi, je pense que tant que Sens Mort n'est pas fini, le retour ne peut pas se faire parce qu'il faut d'abord libérer la Lune du fait qu'il y a une forte concentration de la FDSS. C'est peut-être ça que tu voulais dire. À la fin de Sens Mort, il est clairement dit que c'est en gros une course contre la montre, contre la fin. Contre l'accomplissement des ordinateurs et qu'on n'a pas le temps d'y retourner. On est censé foncer pour pouvoir empêcher l'accomplissement des ordinateurs. Après, on peut pas en dire plus, mais il y a quand même des possibilités que nous donne notre armure à un moment donné du jeu, notamment grâce au personnage de Nathaniel qui va l'en inspirer quand on va pouvoir transformer les répioïdes en vaisseau. Et les ombres pouvoirs aussi. Je me souviens d'une discussion avec toi où tu nous expliquais que entre chaque chronique, il y a plusieurs mois qui se passent. Dire qu'entre la fin de Sens Renaissance et le début de Sens Death, il y a quand même plusieurs mois qui se passent. Oui, mais pareil. Il est clairement dit que c'est le voyage en vaisseau, le voyage que prend le vaisseau pour atteindre une autre planète. Ouais, mais bon, à la limite, ce genre de choses, c'est dans le bouquin, mais c'est pas forcément gravé dans le marbre. Si le MJ il a besoin, pour X ou Y raison, que le délai soit plus long ou plus court, il va s'adapter. On se rend compte qu'on va être relativement libre sur ce point à partir du moment où on justifie que le MJ donne une justification que, ils vont pouvoir revenir ou pas. Moi, Fly, je dis une chose, c'est que si à un moment donné, dans ta chronique, tu vois qu'il y a un perso, je prends par exemple l'exemple d'Anastas, l'exemple de Bobo avec son histoire de mariage, l'exemple d'Anastas avec l'enfant sauvage, s'il y a l'histoire du perso qui peut avancer et que du coup il est obligé de revenir sur les lieux du passé, tu lui interdiras pas de le faire. Alors, Fly. J'aime pas interdire des trucs à mes joueurs. Mais si vous pouvez, ne le faites pas, s'il vous plaît. La messe est dite. J'aime pas interdire des trucs à mes joueurs. Mais non, dans le maximum, je pense que je m'arrangerais pour que la nana arrive sur la Lune au moment où il repart sur Cosmo pour que ça. Oh non, on était sur le point de se revoir, mais en fait, je te la réarrache à nouveau. Augmentation de la tragédie, sens, death, tout ça. Mais voilà, c'est ça la justification. Voilà. Donc là, exactement. Il retournerait pas sur Terre. Alors, donc, les lieux géographiques et temporels, quand même, parce qu'on s'est complètement éloigné de la question de chemise. Donc, pour te faire le topo, globalement, dans Sens Renaissance, Thomas l'a dit, on est sur la Terre. Dans Sens Mort, sur la Lune. Dans Sens Cosmo, on ira sur Mars. Et là, il y a une partie de la chronique qui se termine, j'ai envie de dire. Donc, c'est pareil. Les gens qui disent, ouais, Sens, ça fait 6 volumes, c'est énorme, machin. Non, vraiment, la chronique principale... On a envie de dire, Bobo, c'est toi qui le disais en préparation de ce podcast. La chronique principale, c'est trois des bouquins. C'est trois des bouquins. C'est Renaissance, Mort et Cosmo, la chronique des bugs. Puis, à côté de ça, on a des jeux originaux qui apportent de l'histoire. Pour moi, alors là-dessus, on est un peu en débat avec Bobo, justement. Pour moi, Néant, et c'est vraiment une partie de la chronique. Je suis d'accord. Clair. Il fait partie de la chronique dans le sens où il donne tellement d'informations sur les sept entras, sur... je veux pas trop le background métaphysique du jeu. C'est clair que se faire la chronique avec les trois bouquins sans passer par Nothingness, c'est s'enlever un petit peu de plaisir et d'infos. Alors, donc, néant. Non, c'est peut-être. Ouais. J'avance sur une autre question, mais en plus, je sais qu'à la table, à partir de néant, il y avait eu une création d'un personnage qui était un mix entre un Cétantra et un bug. Et un bug, ouais. Et du coup, on aurait vraiment beaucoup perdu et ça donnait même de nouvelles choses sur Chaos. Alors, ouais. Donc, là, tu anticipes un petit peu sur la question suivante, mais effectivement, juste pour reprendre encore une fois la question de chemise. Donc dans Néant, il faut savoir qu'on se balade, donc les joueurs seront invités à se promener, à interpréter de nouveaux personnages. Donc ce sont les bugs qui interprètent des personnages, c'est-à-dire c'est un jeu de rôle dans le jeu de rôle. Et donc ces personnages seront des Cétantras. Et la planète sur laquelle ils vont se balader s'appelle Myriade. Donc c'est une planète un peu fantasmagorique dans laquelle les éléments primordiaux, donc le feu, l'eau, etc. On retourne un petit peu, j'ai envie de dire, pas du Metfan, mais... un côté un peu magique en fait. Il y a plus de magie, plus d'histoires comme ça. On est moins dans la science-fiction et un peu plus dans le médiéval fantastique dans cette partie, donc dans Sens Néant. Donc voilà, Sens Chaos. Ce que je peux t'en dire pour l'instant, chemise, c'est que Sens Chaos invitera probablement les bugs à retourner dans le passé. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Le passé de quelle réalité ? Je te laisse l'imaginer. Et pour Sens Création, sachez dès à présent que Sens Création sera un supplément aux 5 autres jeux et dans lequel on reviendra sur la cohérence de Sens. C'est-à-dire que ce sera plus un livre d'explication, un livre de conseils OMJ, un livre dans lequel les visions de Sens seront vraiment bien présentées, la vision métaphysique de Sens sera vraiment bien présentée et qui servira plus d'aide de jeu que véritablement de base pour créer des scénarios. Bien que cette aide de jeu, évidemment, puisse servir à créer des scénars. Donc voilà pour répondre à ta question. Chemise, maintenant tu nous en as posé d'autres et nous allons enchaîner. Donc il te demande dans quel lieu temporel, mais donc à quel moment. Là c'est facile, toutes les chroniques chemise sont de 2 ans, et donc Sens Renaissance ça prend 2 ans, Sens Mort 2 années supplémentaires, Sens Néant 2 ans, Sens Cosmo 2 ans, et là pause, parce que après, comme je te l'ai dit, on revient dans le passé, donc là ça n'a plus trop de sens de répondre à ta question en termes temporels. Maintenant, dans quelle réalité les PJ agiront ? Toujours entre ombre monde et réalité pour la chronique principale, et dans la réalité des Cétantras pour Sens Néant, et pour l'autre, encore une fois, je ne réponds pas à ta question pour le moment. Ce serait trop anticipé, de toute façon, tu n'en aurais pas besoin pour faire tes scénars. Donc voilà. Alors maintenant, une autre question. Allez, j'arrête de parler tout seul. Quelles factions seront accessibles ? Bon, actuellement, les seules factions qui sont accessibles, c'est la Résistance. Et donc au départ c'était rien, et avec Sens Mort ça va être Légende Sélénée. Voilà, on va voir la Résistance Sélénite qui va apparaître à ce moment-là. On va pouvoir intégrer cette résistance-là. Maintenant, quel genre d'archétype ? Je pense que c'est plutôt ça la question. Après, au niveau des archétypes, au départ on est des bugs. Ouais. Après on a réussi à débloquer le Quadria. Ouais. J'aime bien la version débloquée. Débloquer le Quadria. Ensuite, on a toujours ensuite la possibilité de faire un bug, mais de la lune. Ouais. On a aussi la possibilité de faire les fragiles qu'on rencontre donc dans Sens Renaissance. Tout à fait. Et d'ailleurs, je voudrais juste préciser pour nos auditeurs qui commencent Sens Renaissance et qui ont déjà lu Sens Mort que les fragiles peuvent tout à fait s'intégrer avant le début de Sens Mort. Hein. Si vous voulez, vous pouvez intégrer un fragile à la fin de la chronique de Sens Renaissance. C'est juste qu'ils sont bien écrits dans Sens Mort. Voilà. La petite parenthèse. Et après, ce qu'on pourra éventuellement rencontrer comme archétype, ça va être les Némésies, les personnages qui ressemblent au Sphinx. Alors, c'est le renard dans la version. Voilà. Donc, le renard. Mais si je me souviens bien, sa question principale, c'était est-ce qu'il y aura un personnage sera obligé de changer d'archétype ? Ouais, il y avait. Et là, ce sera terminé à part Sens Mort, où on oblige un peu. À transformer un joueur comme Quadria, ce qui est très utile. Ouais. Après, c'est vraiment au choix après, des joueurs. Après, c'est vraiment au choix du joueur. C'est pas les Némésies, globalement, l'histoire des Némésies. Donc, pour ceux qui ont lu Sens Mort, ils le savent déjà, mais ce sont des gens qui ont décidé de mettre toutes les informations de leur mémoire, leur cerveau, etc., à l'intérieur de corps d'animaux. Donc, à partir de là, imaginez que votre joueur en ait marre de se balader avec une armure, il en ait marre de jouer un humain, tout simplement. Il peut décider, avec le MJ, que son personnage va mourir, par exemple, dans une mission, et se faire récupérer par une des factions qui est capable de le transformer en Némésie. Pierre, là-dessus, c'est toi qui a testé le truc. Oui. Avec oui. Anastas, quoi. Oui, exactement. Alors, c'était un bug, et puis c'est devenu, par la suite, une panthère, un Némésie. Voilà. Donc, mais qui est toujours un bug. Qui est toujours un bug. Toujours un bug. Et il peut, ta panthère peut toujours se balader de l'ombre monde au monde réel. Tout à fait. Il a toujours l'armure. L'armure, oui. Voilà, toujours. Donc le Némésis, en fait, finalement, est un bug qui a, au lieu d'avoir un corps d'humain, un corps d'animaux. Ça t'apportait quoi de devenir une panthère ? Bon, ça sera un peu de réducteur de dire seulement le physique. Ce qui est intéressant aussi, c'est les différents sens que peut avoir un animal. Bon, par exemple, la panthère, tout ce qui est l'odorat, la vue, tous ces sens-là sont un peu plus développés. Voilà, ça veut dire, par exemple, je deviens un Némésis chauve-souris, j'aurai un système de radar un peu. Exactement. Voilà. Tu peux tout à fait triper là-dessus. Et c'est intéressant de jouer ça en scénar. Par exemple, je me souviens d'un scénar, on était dans une pièce et avec mon odorat, j'ai essayé de sentir s'il y avait eu des gouttes de sang, du sang ou ça permet de mener l'enquête. Parfois, quand il y a des enquêtes, de mener l'enquête différemment. Quoi. Et apporter un plus à l'équipe, autre que des recherches d'enquêteurs habituels. Puis bon, faut pas se leurrer, pour le MJ, c'est des super PNJ, quoi. Parce que tu te méfies pas des oiseaux. Tu te méfies pas du chat qui te suit dans la rue, tu te méfies pas. Et donc du coup, tu peux te retrouver avec un personnage, avec un animal intelligent qui te suit à droite à gauche. Moi, je me souviens, dans la table de Rennes, il y avait notamment un personnage qui s'appelle Semiramis, qui était un Némésis. Alors dans la nouvelle version, il l'est pas, mais dans l'ancienne, il l'était. Ben voilà quoi, il avait un oiseau avec lui qui permettait. Enfin, il était devenu cet oiseau après, mais il avait. Je suis en train de tout mélanger, mais bref. Oui, complètement, oui. Ouais, non. Il avait un oiseau qui était un Némésis, voilà. Mais lui, il en était pas un. Il était humain, hein, il n'y avait pas de problème. Oh là là, c'est vieux tout ça. Hein. Et sinon, voilà. À propos des factions, rien ne t'empêche, je ne sais plus qui c'est qui a posé la question, rien ne t'empêche de créer des factions toi-même, hein, ou des nouveaux archétypes. Ouais, carrément. Enfin, moi, je vois à la table de Sans Death, j'avais proposé le fantôme mécanique. Alors, le fantôme mécanique, Favi, tu peux nous en parler un petit peu ? Parce que c'est quelqu'un qui est enfermé à Dreamster. Ouais. Et dont l'esprit a été en gros téléchargé dans une sorte de robot. D'accord. Et on peut le jouer, la personne n'a pas conscience d'être à Dreamster, elle pense être réveillée, elle pense être en train de rêver, en fait. D'accord. Que du coup, elle continue sa fantaisie. D'accord, ok. Donc voilà, par exemple, j'ai une autre question. Il y a les archétypes quadrilla qui sont disponibles, mais quadrilla de vie principalement. Est-ce qu'on peut jouer d'autres quadrilla comme le quadrilla de mort, les quadrilla de cosmo ? Alors justement, les quadrilla de cosmo sont pas jouables, a priori. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas prévu. Je sais pas si je pourrais développer cet aspect. Maintenant, les quadrilla de mort sont jouables dans un cadre bien particulier qui est précisé dans la base. C'est-à-dire que les quadrilla de mort sont jouables à partir du moment où le personnage du bug est mort. D'accord ? Le bug en a marre de jouer ce perso, il décide de devenir un quadrilla de mort, et à ce moment-là, les autres PJ ont pour mission d'aller l'exorciser. Donc c'est juste une manière brillante de finir un personnage. Mais les quadrilla de mort sont pas vraiment très jouables. Hein. Parce qu'il faut avoir une larme, tu peux être tué que dans ta larme, tu peux combattre que dans ta larme. C'est un petit peu comme si tu jouais une pierre qui est... C'est trop restrictif. C'est quoi. Hyper restrictif. Mais ça peut être une bonne manière de finir en apothéose un personnage. Voilà. Maintenant, les quadrillas de chaos, par exemple, parce que je sais que certains se disent, bah du coup, il y a les quadrillas de vie, les quadrillas de chaos ne seront pas du tout développés dans le sens. Les quadrillas de création, non plus. Et les quadrillas de néant, plus ou moins. Ça sert à n'essayer pas de créer des quadrillas de néant, cher futur maître de jeu, parce qu'il y aura peut-être, je sais pas encore, mais il y aura peut-être quelque chose de ce côté-là. Oui, c'est les Sétantras qui peuvent éventuellement interagir. Bref, mais donc en tout cas, quadrilla de cosmo et quadrilla de création, cher MJ, vous êtes totalement libre de les créer vous-même, hein, de créer des factions autour de ça, vous-même, à partir du moment où la rune sera intégrée à l'intérieur des machines de Miphos. Ce qui pour attention, t'as dit quadrilla de cosmo. Ah non, pardon, oh là là, quadrilla de chaos et quadrilla de création. Oh, merci Bobo, heureusement que t'es là, justement, cher Cosmo. Oh là là. Oui, voilà, quadrilla de chaos et quadrilla de création, vous êtes totalement libre de... Et si tu te laissais un petit peu aller, là, tu les verrais comment, les quadrillas de chaos et de Cosmo ? Bon, ne réponds pas à chaos, parce que généralement, t'es plus Cosmo... pas de Cosmo, de moi... création. Un quadrilla de création, ce serait quoi pour toi ? Pour moi, c'est dingue. Pour moi, un quadrilla de création, ce serait... Ce serait des personnages qui seraient peut-être plus proches de Classis, au sens où ils auraient des pouvoirs qui permettraient de générer certains types certains types de décors. Par exemple, le pouvoir, mettons, ils ont un pouvoir, quand ils écrivent sur leur corps quelque chose, tac, il y a un truc qui apparaît, genre il y a un arbre quelque part. Donc en fait, moi ce que je voyais dans le, comme problème dans les quadrillas de création quand j'ai créé Sens, c'est que ça donnait beaucoup trop d'autorité aux joueurs qui le créaient vis-à-vis du maître de jeu, et qu'au début, comme je veux pas trop en donner au début, vu que Sens est un jeu un peu tyrannique, mais par contre, voilà, ça peut être fait peut-être après. Pour les quadrillas de chaos, j'ai aucune idée. Honnêtement, j'ai aucune idée. Je sais que Bobo, qui réfléchit pas mal à la parce physique, parce que moi maintenant, ça me tenterait vachement de créer des quadrillas de chaos. Ah bah oui, bah écoute, mais en revanche, là, ça reste aussi un problème, puisque le chaos, ça il se ramène, et dans ces cas-là, il met le petit bazar donc, pour le maître de jeu. Donc, Miphos Quadrilla récupère la rune de chaos d'Andes. Est-ce qu'il l'ajoute aux ordinateurs directement ou pas? On en saura plus dans Cosmo, pour l'instant on ne le sait pas. Mais vous, là encore une fois... Tu les vois comment toi Bobo? Ouais, alors bah, le problème c'est que... Il ne peut pas en parler. Comme on n'a pas fait ma chronique, voilà, je ne peux pas trop en parler. Il est pied et mains. Mais je vais vous baiser. C'est ça, ouais. Mais quoi qu'il en soit, donc, ouais, je sais qu'il a pas mal réfléchi. Moi, je sais qu'au tout début où on jouait à Sens avec Cédric, on pensait que les quadrillas de chaos, en fait, c'était les bugs. Parce que du coup, on était ceux qui rentraient pas dedans. Tu vois ce que je veux dire? Ah que oui, du coup, le chaos ne pouvait pas être pris en compte par un ordinateur. D'accord. Et du coup, nous, on pensait que c'était les bugs. Dire un peu plus. Je ne veux pas répondre. Non. En tout cas, clairement, les bugs ne sont pas les quadrillas de chaos. Ils sont beaucoup plus que ça. Alors, autre question de chemise. Ah bah oui, bah c'est celle à laquelle tu as répondu tout à l'heure, Tom. Certains PJ seront-ils à nouveau obligés de changer de race? Donc là, la réponse est... Non. Parce qu'il dit, j'aimerais pouvoir prévoir ça à plus ou moins long terme. Donc voilà. La seule chose que les joueurs vont être obligés de changer, c'est qu'à un moment ils joueront un Setantra. Mais c'est pas un changement de forme. C'est vraiment un exotique temporaire. Ouais, voilà. C'est-à-dire que là, ouais, voilà. C'est les bugs qui jouent à un jeu de rôle dans le jeu et qui jouent un Setantra. Mais il y a pas, voilà, c'est pas y a un changement. Le bug ne devient pas un Setantra. Il joue, il interprète un Setantra. Par contre, voilà. Autre question. Tu voulais ajouter non, quelque chose non. La seule chose que je pourrais ajouter, c'est que maintenant, si AMJ veut transformer un bug de nouveau en quadrilla ou en autre chose, ou par exemple en Némésie, libre à lui. Hein. Oui, tout à fait. Exactement. Donc, autre question qui nous a intrigué. En fait, à la base, on ne devait pas trop en parler, mais finalement, on a un petit peu envie de donner nos points de vue là-dessus, tous autour de cette table. Combien y a-t-il de bugs? C'est une question qui a été posée aussi sur le forum de Sens. Combien y a-t-il de bugs? 764. 992. Qui dit mieux? Ok. Alors, les gars, dans votre vision de Sens, on va commencer par toi, Tom. Pour moi, d'après la base, on peut considérer qu'il y a une infinité de bugs, parce que pour moi, il y a un bug pour chaque joueur potentiel à Sens. Maintenant, en tant que maître de jeu, je considère qu'il y a un nombre limité, parce que un bug est quand même une puissance phénoménale pour la résistance. Sinon, il n'y aurait pas assez de place au pôle sud. Même sans parler de ça, c'est surtout que, imaginons qu'il y a 1 million de bugs au pôle sud, on fait tout ce qu'on veut, quoi. Ouais. La résistance ne peut que gagner. Donc pour moi, c'est une ressource rare, donc il doit en avoir qu'un nombre limité de joueurs présents. Mais après, l'avantage d'être MJ, c'est que si j'ai besoin d'un bug pour faire un scénar, hop, il y a un bug qui apparaît. Ouais. Benjamin, là-dessus, non, pas de... Toi, qu'est-ce que tu répondrais à cette question? Non, mais j'étais sur le même trip que Thomas, c'est qu'à la base, l'idée, c'était qu'il y ait un bug qui existe pour chaque joueur dans les différentes tables qui peut se créer. Après, c'est clair que pour des raisons X ou Y dans un scénario, c'est quand même pratique de se dire, bon, bah, y a une autre team de bugs avec lesquels les joueurs vont pouvoir interagir, parce que sinon, ils vont se sentir un petit peu tout seuls. Ouais. Ouais. Ce qu'on a dit aussi en préparation du podcast, c'est qu'en fait, en gros, dans la chronique, tous les personnages sont potentiellement des bugs. Des en bugs. Gros, ils sont bugs en puissance. Ouais. Tant que personne les joue, ils sont pas activés. Ouais. Et quand quelqu'un les joue, ils deviennent bugs. Ouais. Ce que j'avais proposé, je crois, sur le forum, c'était qu'on puisse mettre chacun les bugs qu'il y avait à sa table. Ouais. Ça me semble très bien. Pour pouvoir que ce soit des vrais bugs, en fait, qu'ils soient joués quelque part et qu'on reste vraiment dans l'univers de Sens. Carrément, ouais. Et qu'à la limite, un AMJ qui avait besoin d'avoir une autre unité dans son scénar aille sur le site et se dit tiens, bah, y a telle unité qui existe, qui est jouée je sais pas à quel endroit, avec tel mec, bah, je prends les noms, pouf, et c'est une unité qui apparaît dans mon monde. Ouais, éventuellement qu'on puisse communiquer ces unités entre AMJ, après les unités qui nous font triper... ou pas, enfin je veux dire, voilà, on prend des bugs qui nous intéressent, par exemple si les gens Dans la base de Sens Mort, on trouvait des bons personnages en la personne de Nathaniel, d'Agonis, de Lina, etc. Ils vont se dire, bon bah voilà, tiens, je vais reprendre ces bugs-là pour les entraîner, machin, enfin j'en sais rien. Mais le mieux, ça reste quand même, si vous avez plusieurs tables, si vous maîtrisez plusieurs tables de sens, de faire interagir les deux tables. C'est ce qu'on a fait, nous, ici. Hein. Il y a une table, comme on dit souvent dans le podcast, il y a la table de Saint-Malo, la table de Rennes. C'est comme ça que ça s'est lancé. Pierre, ta vision, combien il y a de bugs ? Ça tourne un peu autour du pot, hein, je veux dire, ouais, d'accord. Pareil que les autres. Ouais, okay. Moi, en tant que maître de jeu, j'avais une table où c'était des novices, ils connaissaient pas du tout le jeu. Pour utiliser des bugs pour en PNJ, j'ai utilisé des noms de bugs que je connaissais grâce au scénar que j'avais pu faire en tant que joueur. Eux les connaissaient pas du tout, mais je sais que c'est pas un bug que j'ai inventé, c'est un bug qui existe vraiment. Voilà. Donc la nécessité finalement pour un bug, c'est de pouvoir. Qu'est-ce qu'un bug ? C'est un personnage qui peut éventuellement avoir un joueur en fait à sa table, enfin à sa tête, dans sa tête, on va dire, un celluliste qui le contrôle. Et après, donc il y a tout un tas de questions qui sont posées autour du fait. Mais oui, mais comment ça se fait que Sens, qui n'a aucune autorité sur les bugs en général, là puisse avoir de l'autorité sur des bugs, etc., etc. Là, j'ai envie de dire que c'est un peu. Donc c'est vrai que du point de vue de la métaphysique du jeu, ça peut poser problème. Maintenant, on peut imaginer, au moment où Sens les interprète, que ce sont les joueurs qui lui ont demandé de faire telle ou telle chose, qui ont donné des consignes à Sens. Maintenant, on peut considérer que c'est aussi l'aspect tyrannique de Sens, c'est de permettre à une table de pouvoir jouer un bug, mais que derrière, Sens, en bon vieux tyrannique qu'il est, reprend ce bug pour lui-même et continue à devenir tyrannique. Thomas ? Bon, moi, sinon, j'ai une autre vision. Ce que je vois bien, c'est que un bug contrôlé par Sens, le jour où un celluliste veut interpréter ce bug, son autorité est plus forte et prend le contrôle de ce personnage et dépasse Sens. Je comprends pas. Attends, j'ai pas compris. En fait, dans l'idée, c'est que, ouais. Disons que j'invente un PNJ bug. Ouais. Donc, je suis MJ, je suis Sens. Ouais, d'accord. Je contrôle ce bug. D'accord. À un moment, un joueur décide, ce bug-là, il me plaît bien, j'ai envie de le prendre. D'accord. Donc, l'autorité du celluliste, ouais, prend le pas sur Sens, ouais. Donc, c'est et là qu'il prend a la le faiblesse. Contrôle. Donc, en fait, c'est que le celluliste a une autorité plus forte que Sens. Mais bon, il y a autre chose, c'est même pour l'instant je peux pas trop répondre. C'est vrai que ce qu'on pourrait voir dans un premier lieu comme une incohérence, le fait que Sens puisse jouer des bugs, eh bien vous verrez dans la suite de l'histoire que cette incohérence là sera totalement effacée. Donc voilà. Alors, autre question à propos du combien y a-t-il de bugs, c'est la question du clonage d'un bug qui est soulevé par Courant et Edo Phoenix sur le forum. Et donc là, par contre, est-ce qu'on peut cloner un bug pour en créer un nouveau? Cloner un bug, je vois aucun inconvénient, c'est du clonage, mais est-ce que ce bug, est-ce que ce clone de bug est un bug? Ouais. Alors, là, j'ai un souci parce que j'aurais tendance à dire à partir du moment où le clone il est pas utilisé par un personnage à la table, ouais, joué par quelqu'un à la table, non, c'est pas un bug. C'est pas un bug. Pourtant, il n'a pas d'ombre dans l'ombre monde. Alors, mais c'est une répercussion. Il y a plein de gens qui n'ont pas d'ombre dans l'ombre monde qui ne sont que des répercussions, qui ne sont pas des bugs. Voilà. Alors, tu prends encore une fois l'exemple de Gladius Ward, pour ne citer que lui. Son ombre est morte à la Nouvelle-York. Pourtant, Gladius Ward est toujours vivant dans une partie de Sens dans la réalité. Et donc, du coup, Sword n'est qu'une répercussion. Il n'est pas un bug, mais il n'a pas d'ombre. Et pourtant, ce clone est né dans le monde réel et n'existe pas dans le monde des ombres. Comment ça? Ah oui, tu veux dire oui à ce niveau-là. Ouais, mais pour au moi, pôle ça sud, il y a plein d'enfants qui ont du net parce qu'à mon avis, les gens ils ont pas de capote. Voilà, et ça. Voilà quoi. Non, mais le latex, à mon avis, il doit pas être créé au pôle sud. Surtout, c'est une question qui a été soulevée. Donc après, ça peut être effectivement intéressant à utiliser en scénar. Ouais, ça peut être intéressant à utiliser en scénar. Maintenant, moi je dis que la personne qui essaiera de cloner un bug, il va être. Moi, je sais pour la suite. Techniquement, c'est interdit, les gars. Enfin, on peut pas cloner un bug. Si vous réfléchissez bien à comment sont faits les bugs, c'est impossible. Impossible. Mais bon, après, je veux bien qu'on fasse des scénars autour de ça. Mais moi, ce que j'aurais à dire sur la question du clonage des bugs, C'est pour moi, non. Les bugs, ils ont de l'ADN, presque... ils ont du sang. Ouais, mais ça reste presque une question sur le clonage en général. Quand tu clones, imaginons que je clone un Romaric, le Romaric qui sera créé n'aura pas l'histoire du Romaric original, donc on ne pourra pas dire que c'est Romaric original. Carrément, il y a plein de questions. C'est pas le même techniquement. Bah, ce sera pas le point même, de vue ontologique. D'un point de vue physique, ADN et tout, dans le jeu, ce sera un corps qui ressemblera au bug, mais ça ne sera pas un bug. Ouais. Parce que le fait d'être un bug, c'est pas du tout lié à une qualité physique ou quoi que ce soit. C'est pas physique. C'est une question de fait. Ouais, c'est une question de fait. Ouais. Exactement. Bon, et bien voilà pour ce petit balayage des questions qui ont été posées sur le forum. Bon, maintenant donc dans la rubrique actualité de Sens, je tiens à vous dire que Sens, ça marche bien. Les deux derniers mois, on a vendu 50% des ouvrages qu'on a imprimés, c'est-à-dire une centaine de bouquins. Donc c'est très très bien. L'impression est d'ores et déjà remboursée. Les frais que j'avais annoncés sur divers forums sont d'ores et déjà remboursés. Donc Sens va pouvoir continuer largement l'aventure. Si PayPal ne fait pas de bêtises, parce que je viens d'apprendre un truc assez badant, Vivien qui vient de me sortir que... À partir du moment où il y avait beaucoup d'argent sur PayPal, ils avaient du mal à rendre les thunes. J'espère que je vais pas me faire emmerder avec ça. Tu vas pas avoir de problème. Ouais. Donc en gros, ça veut dire que Sens Néon arrive bientôt. Bah écoute, là je suis en train d'écrire. J'ai écrit 6 pages de Sens Néon où je commence à un peu faire une présentation du jeu, ce genre de choses. Mais c'est vrai que pour l'instant, je refais ma cuisine en fait. Et du coup, je peux pas être partout. Donc voilà. Mais oui, Sens Néon va venir. À la base, ce qui devait sortir l'année prochaine, c'était l'écran de jeu. Je pense que vraisemblablement, ce qui sortira l'année prochaine, ce sera Sens Néon. Ouais. Après, je pense que l'écran de jeu, si tu dois le sortir, faut le sortir courant de l'année, quoi. Ouais, peut-être. Enfin, le truc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens sur le forum qui sont assez impatients en fait vis-à-vis de la suite de l'histoire pour pouvoir commencer à maîtriser parce qu'ils ont peur de trahir la suite, etc. Et donc ça c'est un facteur qu'il faut quand même prendre en compte. Maintenant, ce qui est clair, c'est que je ne vais pas bâcler la suite des bouquins en me disant ouais, il faut tout de suite qu'ils aient la suite, etc., etc. Je préfère nettement qu'ils posent des questions comme ça par le biais de podcast et qu'on leur réponde et qu'à la fin ils aient le livre fini et que ce soit bien foutu avec un bon système bien jouable, plutôt que de bâcler une suite pour qu'ils aient les réponses en livre, quoi. Donc voilà, ça c'est, je vous le dis à vous, mais en fait je le dis à nos auditeurs aussi. Posez vos questions au podcast de la cellule, on vous répondra. Vous voyez, on n'hésite pas du tout à brosser, à dire des choses, mais par contre en bouquin, vraiment il faut que la qualité soit là. Et pour l'instant, on a rencontré des problèmes dans le dernier playtest qu'on a fait sur Sens Néant. Thomas, tu l'as fait. Tiens, est-ce que tu peux faire les un petit retour? Les Big Boss étaient devenus des pauvres lopettes. Ouais, pendant un moment donné, on a eu un en problème un tour, de on les tuait alors que c'était les plus forts du jeu. Ouais, c'était un peu nul. Puis en dehors de ça, moi, ce que j'ai trouvé dans la partie qu'on a faite, c'est que au niveau des faits, on avait beaucoup trop souvent la tête sur nos fiches de perso à modifier des faits au lieu de vraiment vivre l'histoire. Et ça, c'était bon, pour moi, c'était dur, c'est d'interpréter quelque chose qui n'est pas humain, voilà, de façon humaine, quoi. Ouais, c'est clair. C'est comment faire des faits pour un Setantra qui a même pas tout ce qui est asexué, qui connaît pas les relations amoureuses comme nous on pourrait les concevoir, qui a des sens différents, qui peut pas mentir au début, parce que ça c'est vite amené à changer, mais voilà quoi. Il y a, non mais c'est vrai, c'est clair, c'est ça le, tu peux rien, enfin tu peux pas masquer ce que tu penses au début ouais. t'as fini oui. Ok. Bon, et eh bien voilà, on va vous laisser sur ces petites nouvelles, ces petites actualités. On vous dit à bientôt pour un prochain podcast. Putain, j'ai raté ma conclusion là. À bientôt pour un prochain podcast sur le blog de la cellule. On voulait finir par une autre question. Pourquoi quasi-mensuel ? Pourquoi quasi-mensuel ? Parce qu'on n'est pas toujours, on n'a pas toujours l'occasion de se rassembler comme ça pour enregistrer ce podcast. Parfois, on fait des grosses soirées et puis d'enregistrer un podcast en plein milieu, ça nous casse les noix. Hein, donc voilà, d'où le quasi-mensuel. Mais pour l'instant, on a réussi à s'y tenir quand même. On a fait un podcast par mois. Hein, donc pour l'instant, c'est vrai que c'est mensuel, mais bon, voilà. Et puis, il y a autre chose, c'est que je ne sais pas si vous avez vu, chers lecteurs du blog de la cellule, c'est que maintenant, on vous propose des hors-séries. On essaye d'en faire un tous les mois. A priori, le prochain hors-série qui aura lieu sera sur le thème de créer une convention avec les gens de la convention d'Eclipse à Rennes. Donc, voilà, c'est vrai que c'est pas tout à fait tous les mois, c'est un petit peu tous les 15 jours, tous les 20 jours. C'est pour ça que je dis quasi-mensuel au début. Voilà. Puis quasi-mensuel. Merci. C'est rigolo, ça fait quasiment mensuel. Ah, voilà. J'adore ton humour. Ouais, c'est génial. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.